Et voilà, c'est parti. Bon, le premier sujet ce soir, c'est intimider par l'action. J'ai sorti ça parce que souvent, quand on fait du développement comme moi je le fais, tu sais, j'ai tendance à pousser la machine chez les gens pour qu'ils passent à l'action sur ce qu'ils comprennent. Tu sais, tu dis, ah oui, j'ai compris. Ouais, OK, j'espère que tu as compris, tu vas le faire quand? Ben là, je ne sais pas, je vais attendre d'avoir la vibration. Ben là, tu l'as, la vibration, on vient de le parler, là, tu sais. Et puis, ouais, mais je sais pas, ça n'a pas l'air aussi facile que de comprendre, tu sais. Souvent, les gens, c'est comme, je sais pas, ils attendent une sorte de permission céleste ou une obligation comme par les événements. J'en ai souvent qui m'ont dit, moi, j'attends que les événements confirment que c'est le temps. Hey, écoute, c'est quoi le temps de manger? C'est-tu quand t'as faim ou bien c'est quand tu crèves de faim, là, tu sais? Je sais pas, crever de faim, je trouve que c'est des signaux corporels qui sont souffrants, là. T'as mal à l'estomac, t'as mal partout. Tandis que quand t'as faim, point, tu suis ça, puis on y va, là, tu sais. C'est comme la vibration pour aller manger, elle est assez évidente. Mais je remarque que le gros problème, pour moi, c'est une grosse conférence pour ça, parce que le gros problème des gens en conscience, c'est qu'ils ne bougent pas. Ça ne bouge pas, c'est ce qu'ils savent. Ils en savent beaucoup. Ils ont appris énormément de choses. Intellectuellement, c'est super bien classé. Ils développent un langage exceptionnellement précis. Ils sont capables de voir quand quelqu'un fait une gaffe, que la personne fait une gaffe, puis ils sont capables d'expliquer la gaffe, puis d'expliquer aussi comment est-ce que ça l'a. Un entraînement dans un jeu de conséquences, ces choses-là. Et puis, si j'en resterais strictement au niveau du langage, je te dirais, ouais, Bernard, il a fait une maudite bonne job, c'est vraiment très bien, tu sais. J'ai plus rien à faire, tu sais. Je vais me recycler, je vais aller faire un autre job, me vendre des motos, aller vendre de quoi, tu sais. Je suis mon vendeur, anyway. Fait que, mais je reste sur mon appétit parce que. Des philosophes, des penseurs, des gens qui réfléchissent sur le comment la conscience doit se passer, puis qu'est-ce qui est la vérité là-dedans. Puis, t'sais, je conçois qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de ne pas croire, t'sais. Puis d'être capables de vérifier ce qu'ils croient. Je crois à ça, t'sais, c'est bien. Mais c'est toujours virtuel. C'est toujours virtuel. Ça ne change pas de job, ces gens-là. Ça prend pas de risque, ça se mêle comme tout le monde, ça vit des sentiments, des émotions comme tout le monde, il n'y a rien de particulier. Puis là, à un moment donné, je finis, je suis jaloux, moi, là, je me dis, Chris, y a-tu juste moi, c'est-tu, qui vis avec comment est-ce que les forces me dictent d'aller là, puis faire ci, puis faire ça. Je dis, si je suis seul au monde, je n'en parle plus, moi, là, c'est terminé. Tu sais, il n'y a pas d'action. Tandis que moi, je suis toujours dans l'action. Ils m'ont dit de faire le ménage dans ma chambre. Il faut dire qu'ils avaient raison, là. Mais quand même, ils me l'ont suggéré pendant la semaine, mais je ne l'ai pas fait. Mais là, le matin, c'était vindicatif, là. T'sais. Tu vas faire ton ménage. Eh, barnac. Puis quand ils sont dans cette bille d'obligation-là, je négocie pas, là. T'sais. Je sais que si je ne le fais pas, moi, j'ai des problèmes. Bon, fait que je l'ai fait. Pour ça, je t'entends, d'ailleurs, parce que je ne pensais pas que ça pourrait être aussi long. Mais quand tu es obligé de passer à moi, puis 6 fois, là, c'est parce qu'il y en avait, là, tu sais. Oui, c'est ça. T'es sale à chaque fois, là. Fait que c'est le problème de l'action. Puis là, j'ai dit, bon, faudrait que je scanne ça, là, dans une conférence, voir c'est quoi le maudit problème de l'action. C'est quoi qui fait que les gens, c'est blablabla, puis que ça sort pas du blabla pour aller atterrir dans l'action. J'ai dit, c'est ou c'est moi qui ai raison, ou bien c'est le monde qui a raison. Là, si vous avez raison, c'est ma dernière conférence, c'est clair. Si j'ai raison, je continue. Bon, les forces vous mettent en vibration. Je marque sur mon site vibrer et agir. Donc, agir implique action, ça va ensemble dans la même famille. Mais pour des personnes, vibrer, c'est bien souvent mêlé avec le je me sens. Je me sens, c'est un sentiment de. Puis un sentiment de et une vibration de, c'est deux mondes complètement différents. C'est sûr que si vous agissez sur du senti, qui est du sentiment, c'est sûr que vous allez vous planter dans des initiations horribles. Parce que l'émotion est polarisée. Puis étant polarisée, elle vous emmène dans le négatif puis dans le positif. Fait que conséquemment, comme la plupart des gens, de ma lecture à moi, sont dans l'âme, c'est évident que vous devez agir plus sur un sentiment que sur une vibration. Une vibration, c'est froid, c'est mental. Premièrement, c'est dicté d'une façon totalement dégagée de l'émotion. Il n'y a jamais d'émotion dans une vibration. Il y a plutôt du commandement. Vous sentez un commandement. Tandis que dans un sentiment, vous avez toujours une place pour négocier. Vous avez toujours une place pour dire « Oh, ça, ça ne me tente pas. Je me sens pas bien là-dedans. » Vous pouvez mettre du temps. Tandis que dans une vibration, en général, il n'y a pas de temps. C'est où tu le fais de suite ou il y a une conséquence. C'est automatique. Fait que moi, étant habitué de suivre ça, cette vibration-là, puis j'ai fait un long... je vous accorde que j'ai fait un long parcours d'études du sentiment versus la vibration, OK? Parce qu'à un moment donné, je pensais suivre une vibration, puis je suivais plutôt un feeling, là, une émotion, un sentiment. Puis là, je voyais bien que, oups, là, j'avais pas suivi la vibration, j'avais suivi une émotion. Et puis, à démêler ça pendant plusieurs années, j'en suis arrivé à identifier ce que c'était une vibration, puis à dire, bon, ben là, l'action, elle se pose sur ça. Puis quand tu poses ton action sur ça, il y a toujours un résultat immédiat. Il n'y a pas de « je vais attendre, voir si ça marche ». Il n'y a pas de ça avec les forces. C'est toujours actuel, c'est toujours réel, il n'y a pas de croyance, puis il n'y a pas de délai. Fait que dans le sentiment, vous avez une émotion et un délai. Il y a du temps là-dedans. Puis il y a une impression d'attendre. Quand vous faites une action sur la base de l'âme, vous avez toujours un sentiment d'attendre. C'est jamais tout de suite, c'est toujours comme pour plus tard, ou c'est toujours comme régler du passé. T'sais, vous êtes toujours dans une sorte de thérapie qui n'en finit plus. Vous vous lavez les intestins, vous êtes en irrigation de colon tout le temps. Je comprends que quand on est dans l'âme, on est colon, puis il faut l'irriguer de temps en temps, mais c'est exagéré. Là, t'sais. Fait que, définitivement, qu'une personne qui est intimidée par l'action puis qui vit ça au niveau de l'âme, ce qu'elle a peur, en général, c'est des conséquences. Fait qu'il y a du délai parce que la personne est dans un calcul des conséquences. Si je fais ça, tu sais, tu as un goût de t'acheter une maison, tu as un goût de t'acheter une auto, tu as un goût de quelque chose, c'est un goût, c'est un sentiment. Et là, vous êtes dans une évaluation de conséquences. C'est ça qui crée le délai. Fait que la perception de la conséquence, puis le délai, il est là. Bon, fait que si vous parlez à une personne et puis que vous êtes dans une sorte d'évaluation, on va dire entre guillemets, statistique de vos goûts, et là, vous dites, moi, j'ai plus le goût de faire ça. Et puis, si je fais ça, j'ai l'impression que je vais me taper ça. C'est comme ça que ça marche, l'âme. Fait que inévitablement, dans votre conséquence, le délai est occasionné par un raisonnement. Mais c'est basé sur quoi, le raisonnement? La mémoire. Et la mémoire, c'est pas garant du futur. La mémoire, c'est simplement un référent. Valable. C'est très, très valable, la mémoire. Mais c'est un référent, quand même, historique, d'une perception que vous avez d'une publicité, d'une influence quelconque, ou d'un vécu. Tant mieux si c'est un vécu, parce que c'est plus, on va dire, c'est plus réel. Tandis que quand c'est une influence qui vient de l'extérieur, style, je sais pas, les Rolls-Royce, c'est bon pour 200 000 kilos. Bon. Qu'est-ce que t'as? Si t'as jamais conduit ça de ta vie, là. Ça peut pas être réel dans ta vie, là. C'est quelque chose que t'as même pas été t'asseoir dedans. Puis là, là, tu pars avec cette croyance-là, tu cales ça dans ta mémoire, tu fixes ça, puis là, ça fait partie de ton raisonnement. « Ouais, il paraît qu'un Rolls-Royce, c'est ça. » Puis là, tu y crois, là, ton affaire. Tu vas dire ça à quelqu'un qui est en train de s'en acheter un, là. Puis tu vas dire, « Non, tu ne devrais pas faire ça. C'est pas plus que 200 000 kilos. Ouais, je vous écoute, je fais 40 kilos par année, là. Je fais juste le sortir, d'écœurer mon voisin, puis je le rentre dans le garage. Fait que je suis bon pour longtemps. » Tu sais, ça ne tient pas compte des intentions de la personne avec qui tu parles. Ça tient compte juste d'une sorte de recherche de la vérité. Fait quand vous êtes dans la perception d'une action, puis que c'est raidé par le sentiment, bien, c'est évident que vous êtes fréquemment, vous êtes dans le champ, parce que votre raisonnement est basé sur un passé, et non pas basé, un passé ou une influence, mais c'est jamais basé sur une vibration qui, elle, tient compte de tout l'avenir de votre mouvement. Parce que dans la vibration, il y a, avec les forces, une sorte de parfait ajustement avec votre karma, si vous voulez, puis avec aussi votre programmation par rapport à eux autres, là. Tu sais, il y a une programmation astrale d'âme, puis il y a aussi eux autres, qu'est-ce qui vous emmène à vivre, là. Donc, dans la lecture de l'esprit, on fait abstraction complète de la conséquence. La conséquence, c'est eux autres qui la connaissent. Vous autres, vous ne pouvez pas la connaître. La conséquence, ça fait partie de votre avenir. Tandis que dans l'âme, il y a une évaluation du futur par le passé. Et c'est statique en maudit, ça, là. Si tu évalues ton futur sur ton passé, bien, ça veut dire que ton futur, c'est ton passé. Donc, tout ce que tu as vécu dans ton passé va se répéter dans ton futur. C'est violent. Ça, par routine, on est proche, là. Un gars, il me dit, je vais pas à ta conférence, j'aime pas le sujet. Ah ouais, t'aimes pas le sujet. Je dis, ça veut dire que tu sais ce que je vais dire? Il dit, ouais, j'ai une bonne idée, là. Je dis, écoute, es-tu mieux vers l'action, là? C'est de l'humilité, ah ouais, ben, écoute, donne-moi les suggestions, je sais même pas encore de quoi je vais parler. Le gars, il marche avec son passé, fait que pour lui, action égale, je sais pas, faire du vélo, sauter en parachute, des affaires de même. Il s'est fixé une perception de ce que pouvait être l'action, puis l'intimidation, ben, c'est la timidité, l'humilité, des jeux d'ego. Il mêle ces deux mots-là, il brasse ça dans sa mémoire, puis il dit, c'est ça qu'il va parler. Fait que si vous êtes dans l'âme, vous avez une perception des conséquences, vous avez du délai parce qu'il y a un raisonnement, il y a une comparaison qui se rajoute à ça. Parce que c'est évident que vous ne pouvez pas avoir le one shot. Il faut que vous compariez. T'sais. Fait que ma mémoire, ma façon de faire, mon fonctionnement, rendu à 60 ans, m'a presque cristallisé dans un mode d'opération. C'est hallucinant. Je n'ai pas eu les forces pour me dire quoi faire, moi, là. Je vais toujours faire qu'est-ce que ma mémoire me dicte de faire. Surtout plus je vieillis, plus j'accumule des données qui confirment mon comportement. Les autres, ils disent, à la naissance, tu étais un gars qui faisait un projet, puis 3 ans après, tu débarquais. Fait que c'est un mode d'opération, c'est karmique. Vous avez tous des modes d'opération karmiques, mais qui dit karmique, dit automatiquement âme. Donc, vous avez un mode de réflexion, de pensée, qui est déjà saturé par une quantité incroyable d'influences que vous avez subies dans votre vie, mais du vécu réel, regardez le pourcentage de vécu versus le pourcentage d'influences que vous avez dans votre vie, c'est minime. Vous avez un vécu très réduit comparé à vos influences, avec des opinions, puis avec une gestion de ces opinions-là qui sont fixées. Compliqué. Vous êtes simple. Mais votre influence de vie, ce que vous avez absorbé par la publicité, par le qu'en dira-t-on, puis qu'est-ce que les gens vous ont dit, c'est ça qui a rendu votre vie compliquée. Mais vous aviez des vies simples. Parce que votre vécu proportionnel aux influences, il est très simple. C'est des affaires que vous avez répétées indéfiniment. Vos comportements, d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a donné un point de force en consultation, c'est d'une capacité de synthétiser. Qu'est-ce qu'une personne est? Si elle est telle chose dans son couple, elle est telle chose dans son travail. Si elle est telle chose dans son éducation avec les enfants, c'est telle chose dans son échange avec le public. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Je me suis trouvé des perceptions microcosme, macrocosme. Tu sais, ce qui est grand est pareil comme ce qui est petit. Okay? Donc, exemple, couple, étude du couple, étude du comportement au travail, c'est the same fucking game. Fait qu'une personne me parle de son travail, elle me parle de son couple. Elle me parle de son couple, elle me parle de son travail. Puis, etc. T'sais. Fait que tu regardes une personne, je ne sais pas, je vais prendre Gilles, il y a une façon de travailler, bien, il y a une façon de vivre le couple qui va être pareil comme son travail. Pareil, pareil, pareil. Il n'y aura pas un once de différence. Fait qu'en partant de ces points-là, bien, je synthétise très rapidement le vécu des personnes et puis je suis capable de faire fi des influences qu'ils ont. Tu sais, les gens vont dire, ah, j'ai été à New York, je vais aller à New York. Puis ils regardent, là, puis quand ils mangent dans leurs assiettes, là, ils coupent le spaghetti, clouc, en petit carré, ils mangent la petite pelletée, puis ils recoupent. Hey, Chris, aller à New York avec ça, je ne voudrais pas, moi, là. Ça doit être plate en maudit. Hey, on a fait telle rue, on va faire telle autre rue demain. Ah, ouais. Il est en train de couper son spaghetti. On s'entend qu'il est allé à New York. Mais avoir du fun à New York, c'est une autre histoire, là. Fait que c'est comme la psychologie des gens, c'est très, très simple, tu sais, dans le mécanique karmique. Mais toutes les ondes d'influence, les cours qu'ils prennent, qui ne vivent pas. Il y a combien de maudits cours que vous avez pris ou de bebelles que vous avez achetées que vous ne vous êtes pas servi? Allez pas me dire que vous l'avez vécu. Vous l'avez acheté. Ça vous... C'est pas parce que tu achètes une carabine que tu vas t'en servir. Là. Tu sais, elle vient de s'en acheter une. Là. Si elle tire 200 balles dans l'année, ça va être un score. Ça coûte cher. Tu sais, elle pense que ça coûte cher. Quand tu penses que ça coûte cher, tu achètes une carabine. Là. C'est pas parce que tu as payé 200$ ta carabine que ça coûte pas cher. Ça coûte cher à les tirer. Là. Puis ça coûte cher parce qu'il faut que tu t'inscrives dans un centre de tir. Tu sais, tu regardes à la fin de l'année, ça t'a coûté plus cher d'aller tirer que des balles puis la carabine. Fait qu'on se comprend que faire un move pour se créer une impression puis faire un move pour vivre, c'est pas pareil. C'est très... Tu sais, il y a des gens avec des petits bâtons de golf donnés par l'arrière-grand-père, ils vont jouer au golf puis ils vont peut-être être des petits Tiger Woods ou ce qui reste dans leur ville. Tandis que nous autres, on va s'acheter des Ping. C'est une marque très chère de bâtons de golf. Puis là, ils vont s'installer, là, sa galerie chez eux, pour que tous les voisins voient qu'il y a des pings. Puis là, ils vont les rentrer, mettre dans son garde-robe. Puis là, quand les gens vont, quand ils vont le voir partir, ils vont dire, « Ah, il s'en va jouer au golf. » Puis là, s'ils ramassent quelques noms de places de golf, le Hilesmere, le ci, le ça, puis qu'ils chaudent ça à ses voisins, ils vont dire, « Taf, alors, il vit ce gars-là, hein, taf. » Les balles de golf, ils payent ça 25$ la balle. C'est hallucinant. Ils en achètent juste une. Mais il y a monde. Fait que ça, c'est tous des gens qui créent des brous, créent des influences, puis qui laissent suggérer qu'ils sont dans l'action. Alors que l'action, c'est réellement aller vivre de quoi, là? Tu sais, t'as mal dans le corps quand tu vis quelque chose, tu sais. Tandis que dans une zone d'influence, tu vis rien à part du gazeux. Si quelqu'un veut vraiment... Fait que si tu es superficiel toute ta vie, c'est parce que tu as une vie d'influence. Tu as une vie où tu as été absorbé de l'influence. Et l'action, c'est comme si tu vivais à la télévision. OK? Un jeune, on s'entend que s'il fait du vidéo dans la conduite d'un auto sur l'écran, même si tu as un 70 pouces dans le salon, ça reste toujours virtuel. Quand il va arriver dans la vraie vie, là, puis que ça va vraiment déraper, là, il n'y aura pas six vies. Il va rentrer dans un poteau puis il va rester dans le char. Ça va être les pompiers qui vont scier le top pour le sortir. Tandis que dans le jeu vidéo, bang, il capote trois fois puis il revient sur la route puis on continue. C'est pas tout à fait pareil dans la vraie vie. Bon, ben l'action puis la virtualité, c'est ça la différence. C'est que dans le virtuel, tu peux refaire tes histoires à l'infini. Et dans l'action réelle, bien là, tu es dans réellement l'application de ce que tu vibres dans ton mental. Ton mental vibre, puis ton mental est dans un sentiment. C'est deux mondes complètement différents. Le sentiment, c'est une menterie permanente. Tandis que la vibration, c'est une réalité que si tu ne la vis pas, ils vont te représenter ton plat plus tard, plus intense, puis souvent obligatoire. En d'autres termes, vous avez un temps où vous voulez le faire parce que ça vous est indiqué, puis il y a un temps, à un moment donné, que si tu ne le fais pas parce qu'il y a de l'intimidation dans ton action, c'est dans le sens qu'il y a un raisonnement au niveau de l'âme, mais là, l'événement va être tellement gros que tu n'auras pas le choix, tu vas l'avoir en face. Vous me suivez un petit peu? Tandis que dans le sentiment, pas dans le ciment, mais c'est du ciment, d'une façon. C'est un jeu de mots bizarre. Dans le sentiment, vous pouvez refaire votre scénario pour qu'il fasse votre affaire. Mais quand ça fait votre affaire, ça fait l'affaire à quoi? Ça fait l'affaire à l'inertie. Ça ne fait pas l'affaire au mouvement. Vous remarquerez que quand vous rebâtissez vos scénarios pour que ça fasse votre affaire, vous allez toujours jouer la carte de la sécurité. Donc, la carte de la sécurité, ça veut dire que c'est du connu. Donc, c'est de la mémoire. C'est une mémoire qui, peu importe qu'elle soit souffrante ou plaisante, c'est comme si tu sais quoi faire dans une situation comme ça. Fait que c'est comme de la pratique. Tu pratiques une action ou un événement, puis tu dis, ouais, ça se fait de même. Mais, tu sais, c'est comme moi, je fais de la carabine. Une personne qui a la vibration pour bien tirer, elle tire bien en commençant. Et puis, si elle ne tire pas bien en commençant, il faut qu'elle se développe une mémoire par la pratique. Fait qu'il faut qu'elle travaille pour que la balle rentre au centre. Tandis qu'une personne qui a réellement le knock là, de l'affaire, là, elle tire, ça prend pas 15 minutes à te placer les balles là, dans le centre tout le temps. C'est naturel. J'ai tiré, mon gars m'a emmené un de ses amis. Là. Le gars, juste en le voyant, j'ai dit, toi, t'as un beat de policier ou de militaire. Il est propriétaire de WebPress. C'est le concurrent de CyberPress. CyberPress, c'est pas petit quand même. Là. Puis lui, c'est le concurrent de WebPress. Là. Fait que j'ai dit, ça va être le fun de te voir tirer parce que j'ai l'impression que tu vas être dans le bullseye. Il dit, comment tu peux savoir ça? Il dit, j'ai jamais tiré de ma vie. Dans une autre vie, peut-être. Ah oui, il dit, c'est vrai, ton gars m'a dit que tu étais médium, tu étais dans l'occul. Je dis, c'est ça. Chris, il a pris le pistolet, il a tiré 10 balles dans le gros de même, à 15 mètres. 15 mètres, là, c'est pas la porte, là. J'ai dit, ça veut dire que tu étais bon, hein? Il dit, ouais, je suis surpris. Mais il dit, c'est facile, il dit, il n'y a pas de recul là-dessus. Je dis, attends, on va tomber ces grosses carabines tout à l'heure. Même rendu à 308, il te collait ça là-dedans. Gros de même. Pop, pop. Quand tu tires un 6 balles là, de 308 dans le gros de même, c'est la première fois que tu as tiré, tu as du talent. C'est peut-être juste 50 mètres, là, mais 100 mètres, tu es capable de t'enlier un télescope, tu as une maîtrise naturelle de ta respiration, pop, pop, pop, pop, pop. En d'autres termes, il y a la vibration. Vous savez? Tandis que quelqu'un qui n'a pas la vibration, Chris, il y a des balles partout, il y en a même dans la cible du voisin. T'sais. Quand tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Mais ça ne t'empêche pas d'aimer. T'sais. Tu peux avoir le sentiment d'aimer quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que tu es capable de vivre avec. Moi, Angelina Jolie, là, elle est mariée. Le sentiment, il est lourd. Belle babine. Là. Il me semble que c'est comme te coucher en dessous d'un drap. Là. Si tu embrasses ça, ça doit être enveloppant comme le calice. Mais, tu sais, vivre avec. Elle va avoir un petit nègre là, elle va avoir un petit chinois là, elle va ci, elle va ça. Écoute bien, là, là j'en ai élevé un, puis je l'ai assez. Elle aime rembourser, je ne sais pas combien elle est rendue, là, 4-5. Tu sais, c'est Benetton, son histoire, il y en a pas mal. Fait que, pas qu'elle va vivre avec ça, tu sais, c'est pas endurable, ça. C'est, écoute, relax là, un petit peu, les bébés, là, t'sais. Fait que, c'est comme avoir le sentiment, puis avoir la vibration, c'est deux mondes complètement différents. Puis ça, tant et aussi longtemps qu'une personne n'est pas capable de comprendre que son raisonnement le ramène à la mémoire. Puis je vous dis, c'est dur d'abandonner un raisonnement. Là. Pour suivre une vibration, il ne faut pas que tu raisonnes. Tu peux peut-être raisonner après pour comprendre ce que les forces t'ont fait vivre, mais je te jure que quand ils te disent « tu fais ça », c'est pas raisonnable. 90 % du temps, c'est pas raisonnable. Tu sais, c'est « tu le fais », point final. C'est sûr que le raisonnement, lui, va embarquer partout. Parce qu'il veut que la mémoire garantisse son mouvement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je comprends que dans un sens, les gens ne veulent pas se faire avoir. Mais c'est quand tu te fais avoir que tu développes. Je me suis fait avoir souvent dans ma vie. Mais c'est dans ça que j'applique l'intelligence. L'intelligence, c'est dans l'initiation. Ben non, il y avait un terme pour ça, c'est pas de choc, pas de conscience. Si tu n'as pas de choc dans la vie, tu n'as pas de conscience. Tu es une machine, une antiquité ambulante. Qui va toujours référer à son passé, ses 12 premières années de sa vie, puis qui va répéter ça à l'infini sous des formes différentes. Donc, il faut un choc. S'il faut un choc, laisse les forces les faire, les chocs. Ils sont intelligents, le choc. Un choc, ça casse un raisonnement. Tu es obligé de raisonner différemment, c'est-à-dire que tu es obligé de te bâtir une nouvelle compréhension pour faire affaire à cette nouvelle forme d'action-là. Vous suivez? Les gens qui inventent, ou les gens qui créent des mouvements dans la politique ou qui créent n'importe quoi, qui créent des chocs. C'est normal, c'est obligatoire d'avoir un choc. On voit l'échangeur Turcot, ils ont traîné ça, traîné ça, traîné ça. Ils ont reporté le choc. Mais le choc, là, il va être plus gros qu'il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, peut-être que c'était moins d'auto sur la route, là, puis 10 ans plus tard, c'est peut-être le double d'auto sur la route. Fait qu'on n'est pas sorti du bois. Donc, les gens qui innovent, c'est des gens qui suivent une vibration. Et innovation égale dans votre vie vibration. Tu achètes une maison. On est d'accord que d'acheter une maison, tu peux demander à des gens qui font de l'évaluation domiciliaire, qui vont évaluer ton solage, tout ça, tout ça. Mais tu sais, tu peux faire évaluer, je ne sais pas comment ça coûte, hein, 400-500$. Tu peux faire évaluer 10 maisons, coûter 4 000. Tu as besoin d'un maudit bon budget parce que ça va brûler ta mise de fonds. Hein? Et puis, si tu n'es pas capable de te brancher, c'est parce que tu es dans le raisonnement. Ah, vous avez 10 000 à mettre dessus. Vous avez 30 000 à mettre dessus. Moi, bien, elle est belle. Moi, elle est belle, mais tu as 30 000 à mettre dedans. Celle-là est moins belle, mais j'étais juste 10 000 à mettre dedans. Celle-là est extraordinaire, c'est un loft, c'est style condo, vous n'avez rien à mettre dedans. Ouais, mais j'ai pas de terrain. Tu sais, à un moment donné, là, dans ton raisonnement, tu vas toujours trouver un argument pour ne pas agir. Tu vas toujours, toujours, toujours, toujours avoir un argument pour ne pas agir. Pour agir que comme quand tu avais 10 ans, 12 ans, puis que maman s'occupait de toi, puis que papa s'occupait de toi, que tu es obligé d'apprendre dans l'innovation à vivre avec la conséquence de la vibration, mais pas de raisonnement à outrance. Sans ça, tu vas revenir dans une peur de souffrir, puis là, automatiquement, tu vas casser ton mouvement qui est innovateur. Vous me suivez? Si le gars, il fait un move, puis qu'après un an, il dit, hey, c'est bien trop dangereux, moi, me faire tuer. Et là, c'est fini. Et là, ça fait 7 ans, puis je te dis, tu regardes ça, tu as l'impression qu'il y a une gang de chiens autour de lui, là, qui se font aller à la queue, il n'y a pas de queue, c'est un ours, mais tu sais, qui sont tous contents de le voir. Innover égale vibration. Tenir la vibration, c'est empêcher le raisonnement de vous ramener dans la mémoire. Puis regardez bien les moves que vous avez faits, c'est une vibration. Le raisonnement, il vous a scrappé le mouvement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je regarde, le Bernard n'est plus là, puis ça fait quoi, depuis 2003, là, on est rendu à 8 ans. Là. 8 ans, là, il y en a qui ont décroché. Ils n'ont pas été capables de tenir la vibration, tout ça. Il fallait absolument qu'ils soient pris en charge. Fait que la vibration, c'est un état d'esprit, c'est pas un état d'âme. C'est pas j'aime pas, là, le gars, écoute, c'est le message qui est important, c'est pas le messager. Fait que si t'es haut sur le messager, m'emmener, tu vas finir par jouer le jeu de la polarité, tu vas dire, ah, il était extraordinaire, puis en quelque part, tu vas dire, il était-tu dominateur, le tabarnak? Tu sais, c'est comme tu vas jouer avec de l'impression qui est basée sur ton rapport avec la personne. T'es-tu hautain? Lui puis sa maudite table privée, on ne pouvait jamais s'approcher de lui. Il y avait toujours deux, trois bodyguards, dont Ménard. Tu sais, ça tombe dans le jeu du personnage de s'aimer d'âme. Alors que si t'es sur le message, analyse le message, puis lâche le personnage. Essaye de composer avec l'œuvre, tu sais, le rendement cassette qu'il a donné, l'efficacité qui est dans tes mains, l'efficacité, c'est pas lui qui va le donner. Lui, il pouvait être un témoin, mais il ne pouvait pas être plus que ça. C'est un facteur. Il a amené un colis. Il a dit, tiens, voilà. C'est ça. C'est comme le monde, il questionne Jésus, a-t-il existé? Puis quel défaut de comportement qu'il avait. Il analyse pas le message, il analyse le personnage. Perds pas ton temps avec ça. Délaïs le mot, je suis sûr qu'il y a des défauts. Si tu as dû en avoir une coupe. Quand tu l'as vu, là. Mais tu sais, c'est le message qui est important, c'est pas le messager. Je le dis à tout le monde qui veut bien l'entendre, si vous autres, vous avez un message d'envie à amener dans votre couple, à amener dans vos relations de travail, dans vos amis, c'est le message. Il ne faut pas qu'il s'occupe de ce que vous avez l'air, si vous sentez des pieds l'été dans une paire de godasses. Tu sais, ça n'a pas d'importance, c'est pas là la game. La game, c'est lui qui fait le chèque. C'est lui qui fait le chèque, laisse faire les godasses, c'est ça qui est important. Puis s'il innove, bien, tu as suivi la vibration. Si tu ne suis pas, débarrasse. Arrête de chialer, va-t'en. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais les gens, habituellement, dans les conséquences, ils ont tendance à paralyser un mouvement vibratoire parce qu'ils ne veulent pas perdre les avantages de leur raisonnement. T'sais, le raisonnement, il t'a fait travailler quelque chose, puis t'as assuré d'une certaine sécurité matérielle ou une sécurité affective ou émotionnelle. Là, vous commencez à faire des compromis, et vous êtes dans le champ, pas à peu près à ce moment-là. Quand les compromis rentrent, là, vous êtes cassé, puis votre esprit, là, oubliez-le. Fini, terminé. Ça passe plus. Il y a un fil, c'est coloré. Tout ce qui est sentiment, tu sais, je pense à des gens qui s'aiment, s'aimer, là, tu sais, dans le sens d'être en amour. Et puis, à un moment donné, je sais pas, un des deux commence à avoir des défauts qui sont collectivement pas appréciés ou appréciables. Puis, tu sais, la fille, elle va dire, ou le gars va dire, quand je t'ai connu, tu n'étais pas le même. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé? Bien, il a changé parce que son raisonnement, plus l'expérience de l'innovation, l'a amené à un autre type de raisonnement. Puis, dans son autre type de raisonnement, en mêlant le passé avec le présent-futur, bien, il a modifié un comportement qu'il avait initialement. Et puis là, ben, ça ne fait pas l'affaire à l'autre. Puis là, le rapport, à un moment donné, tu te dis, ben, écoute, j'étais de même quand j'étais jeune, j'étais de même quand tu m'as connu, mais ça a pris une tournure différente avec le temps, parce que je vieillis, parce que ci, parce que ça, il y a eu des ingrédients nouveaux qui sont ajoutés. Tu sais, tu peux mettre les compteurs à zéro dans toute la vie, hein? Toute ta vie, tu peux mettre les compteurs à zéro. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a rien qui t'oblige à rester avec quelqu'un. Il n'y a rien qui t'oblige à rester dans un job. Il n'y a rien, rien, rien, rien. À part de qu'est-ce que tu vibres. C'est qu'est-ce que tu vibres qui fait foi de l'autorité. C'est jamais le conditionnement que tu as absorbé par un quelconque raisonnement et une quelconque mémoire. Fait que c'est sûr que si vous êtes dans le mouvement de l'esprit, vous ne pouvez pas connaître votre futur, même si un astrologue vous dit des passages difficiles. Moi, j'ai des passages là, planétaires, écoute, c'est pour me tuer, c'est ça. Puis là, cette semaine, parce que depuis 2 mois, je fais le mal, réellement mal. J'ai mal dans le foie tout le temps, j'ai des pincements. Là, j'ai dit, il faut que je coupe le café. Ils ont dit, oui, il faut que tu coupes tout ce qui est acide. J'ai commencé à faire ça. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, mange du poisson à tonnes. J'ai dit, pourquoi? Laisse faire pourquoi, mange du poisson. Là, je mange du poisson. Puis là, bizarrement, mon restaurateur, il a rentré du poisson une fois. J'ai dit, peux-tu en avoir tout le temps? J'ai dit, il y a des gars qui te commandent des hamburgers tous les jours. Pourquoi je pourrais pas te commander du poisson tous les jours? Fait que là, j'ai fait rentrer de la truite en quantité, je peux en manger tous les jours. Là, je commence à guérir. Puis là, cette semaine, j'ai dit, de quoi je souffre là, exactement? Il dit, tu avais un début de cancer. Oh, tabarnak! Tu n'avais pas me dire ça. Il dit, non, tu serais énervé. Puis il dit, c'est pas bon pour le cancer quand tu t'énerves. Il dit, là, à ce temps que tu sais qu'on te guérit, bien, on peut te le dire. C'est brillant quand même. Tu sais, c'est pas. Ça ne marche pas comme les estis de médecins qu'ils te regardent des yeux. Vous en avez pour 3 mois. Écoute bien le casse, là. C'est pas toi qui le sais, c'est eux autres. Fait que. J'ai dit, ouais, c'est intéressant. Il faut cancer de quoi? Le cancer du foie. Voyons donc, toi, si on en meurt, ça ne prend pas 2 semaines, Christ. C'est ça. Ils ont récupéré de ça. L'année passée, tu as un début de diabète. Ils ont réglé ça. Ils, là, c'est parce que tu n'arrêtes pas de te choquer. Tu es toujours en tabarnak. Il a fallu te mettre des guns pour que tu aies vidé. Tu es toujours en calice, tout le temps, tout le temps. C'est vrai, ça. Là-dessus, je vous le donne. T'sais. Ça a été doux, mérité. Pas capable, mais t'en crisse encore plus. Fait que, tu sais, il y a une logique, c'est une vibration que quand tu suis ça, ils peuvent te récupérer sur des affaires graves. T'sais, ils peuvent te récupérer au niveau de la finance, ils peuvent te récupérer. Mané, je t'ai cassé comme un clou. J'ai reçu 381$ de l'impôt fédéral. Et moi qui en doué des tonnes, comment ça se fait, ça, là? Ben, c'est les affaires de TPS là, qui te payent, là. C'est bien ça, c'est bien, c'est bien. J'ai été correct ma semaine. Les forces s'occupent de toi. Le Christ, il avait une expression, il disait, les colombes, les oiseaux dans les champs de blé, ils s'occupent d'eux-mêmes. C'est mon Père qui s'occupe d'eux. Il parlait de Dieu, évidemment, à cette époque-là. Le Père s'occupe de tout. Moi, je vous le dis, le Père, c'est les forces s'occupent de tout. C'est juste une conversion de mots. Votre double, c'est l'ange gardien. Hein? C'est bien, ça. C'est un transfert. On a mis ça plus scientifique, les forces. Fait que innovation égale vibration. Et innovation, c'est un effet de spontanéité. Vous êtes spontané quand vous innovez. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les mouvements spontanés, et non pas les coups de tête, parce qu'un coup de tête, ce n'est pas nécessairement vibratoire. C'est une émotion forte, comprimée, et puis un peu l'effet slingshot. Tu retiens, tu retiens, tu retiens. Comme les gens qui économisent, économisent, économisent, puis à un moment donné, ils achètent des affaires plus gros que le besoin. On s'entend que c'est différent. C'est pas de la spontanéité. Une personne qui retient, c'est pas un être spontané. Un être spontané, c'est quelqu'un qui, au moment de son action, ne calcule pas. Donc, s'il y a zéro calcul, il y a zéro raisonnement, donc il y a possibilité d'être mis en vibration. Donc, l'action se pose là-dessus. Mon bon ami Gilles, il a découvert le 25 cents. On fait tout ça ou on le fait pas? Bang! Tu sais, un 25 cents. En général, c'est bon pour un mois. Parce qu'à un moment donné, tu places quasiment ton 25 cents dans la main pour que ça tombe sur qu'est-ce que tu veux qui se passe. Puis, à un moment donné, tu portes un jugement, tu dis, ouais, il est tombé à bonne place. Quand tu commences à dire qu'il est tombé à la place que tu voulais, là ça veut dire qu'il n'est plus bon ton 25 cents. Parce que là, tu commences à avoir une intention, là. Puis je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas d'influence sur le 25 cents quand tu commences à avoir des intentions. Fait que c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas bon indéfiniment. Ce qui est bon indéfiniment, c'est quand tu le vibres, c'est ton corps. Ton corps, c'est un gros 25 cents. Lui, il tombe tout le temps à bonne place. Fait que quand vous le vibrez physiquement, votre action se place mieux d'une façon innovatrice, donc d'une façon spontanée. Tandis que quand il y a moindrement un raisonnement, c'est-à-dire une évaluation de ce qui doit être fait, Mais là, vous êtes dans l'âme, puis dans l'âme, c'est sûr que vous êtes en initiation, c'est certain, certain, certain. Et une initiation, elle peut être aussi positive que négative. Il y a des gens que j'ai vu planter, moi, dans des entreprises parce qu'il y avait une expansion trop rapide. Techniquement, tout le monde va dire que l'expansion, c'est bon. Excepté que si tu n'es pas capable de bien gérer ton expansion, bien là, à ce moment-là, tu as un problème. Donc, tu sais, du bien, c'est bon. Du gâteau, c'est bon. Un morceau. Un gâteau complet, c'est un peu dur pour le foie. Fait que, tu sais, quelqu'un qui tombe dans une boîte de biscuits et qui n'est pas capable de s'arrêter tant que la boîte n'est pas finie, c'est bon, mais c'est pas bon. Vous me suivez? C'est ça de l'initiation de l'âme. Tandis que l'esprit va dire toi. Bien, toi. Tu manges tes trois biscuits puis tu n'as plus faim. Mais tu as encore le goût. Tu le sens que tu as encore le goût. Mais ils ont dit toi. Tu n'arrêtes pas à toi, tu arrêtes à six. Puis là, tu es comme bourré. Puis un petit coup de... Ouais, on dirait que tu goûtes plus le vrai biscuit. Tu sais, un biscuit, je ne sais pas, moi, tu vas prendre... J'aime bien les dairs au chocolat, moi, là. Tu sais, les sablés qu'ils appellent, là. Sablés au chocolat. Avec des petites lignes de chocolat. Bon, avant, moi, je mangeais une boîte. J'avais une achetée, je mangeais dans la soirée. C'était fini, boum. Bon, OK, on en achètera demain. Donc, puis là, quand t'as demandé, j'ai commencé à écouter la vibration. Il disait 3, 4, max... Rendu au quatrième, je disais, c'est mon dernier. Là, j'en ai essayé un cinquième. Puis au cinquième, ça commençait à goûter la farine industrielle. Puis le chocolat, pas vrai, là. T'sais, c'est comme les trois premiers, ça passait comme du bon goût. Puis après la quantité qu'il m'avait dit, ça commençait à goûter d'autres choses. C'est comme de la truite, c'est bon de la truite. Mais je suis sûr qu'un jour, à un moment donné, ils vont me la laisser dans la bouche trois minutes. Puis là, je vais commencer à sentir que ça goûte le poisson. C'est con, hein? Une truite, c'est un poisson. Mais un goût de poisson, j'en sers beaucoup de poisson à mes chats. Puis c'est drôle, quand la viande que je lui donne, c'est souvent de la sardine, ça va de soi, ils ne mettent pas du sauce. Ils marquent saumon, ça à la canne, mais c'est de la sardine. Puis quand j'ai les doigts dedans, puis c'est huileux, je ne me lèche pas les doigts. Fait que j'aime pas le poisson tant que ça, dans le fond. Tu sais, parce que si j'aimerais vraiment le poisson... Je me planterais les doigts dans la canne de sardine. Hein? Non, fais pas ça. Ça veut dire que le poisson, j'ai. Tu sais, c'est l'huile de foie de morue. Moi, j'en ai eu quand j'étais jeune. Je suis resté avec une impression d'odeur de poisson, de goût de poisson, puis de. La morue est morte, elle est là, puis on a mis un linge dessus, puis on l'a tordu pour faire de l'huile de foie de morue. Tu sais, j'exagère, là, mais ça, tu sais, quand tu vas aux îles de la Madeleine, puis tu vois les cages à homards, les cages à morue, pas les cages, mais les choses, ils chipent ça, là, ça sent-tu fort hein, un peu. C'est comme du poisson, c'est comme il y a une quantité que tu peux prendre, puis à un moment donné, c'est goûte plus ce que tu as le goût de manger. Tu reviens au hamburger. Comme là, les hamburgers, là, quand je mange un hamburger, c'est pas ça que les forces veulent que je mange. Fait que c'est comme je goûte l'hamburger de chez McDo comme c'est pas de la vraie viande. Tu es obligé de prendre des Angus là, pour pouvoir sentir que c'est de la vraie viande. Fait que là, c'est parce que je ne suis pas dans le beat. Je suis dans le beat poisson. Fait que je goûte plus la viande comme industrielle. C'est à la limite, là, si je t'avais de voir le bœuf se faire tuer. Là, puis là, je me dis, pas d'allure, manger ça. Là. C'est ça, les forces. Les forces, ils t'emmènent vers ce que tu as besoin. Tandis que l'âme t'emmène vers ce que tu désires. Fait que tu as un goût, tu as un sentiment. Puis il y a une exagération. Il y a toujours une exagération avec un sentiment. Tandis qu'avec l'esprit, il y a une dose qui est déjà calculée pour une conséquence X, qui est déjà préparée. Cette conséquence-là, elle te prépare à quelque chose. C'est plus de la conséquence dans le sens d'une peur de conséquence. Ça devient comme une préparation. La conséquence, c'est d'être bien préparé. Vous me suivez un petit peu là-dessus? Donc, dans l'évolution d'une personne... L'action, c'est essentiel pour construire. Vous ne pouvez pas vous construire une carrière, vous construire une forme quelconque de sécurité sans poser des actes. Vous avez dans tout, même pour entretenir une auto, là, moi, je me suis acheté un galon d'huile pour mettre de l'huile dans le char, mais je n'avais pas la vibration pour le mettre. J'avais la vibration pour l'acheter. J'étais l'acheter un matin. Probablement qu'ils vont me mettre en vibration lundi. Ils me disent, c'est ça, lundi. Fait que demain, normalement, dimanche, je devrais le faire. Mais ils me disent lundi. Pourquoi? Je ne sais pas. Aucune idée. Fait que la dynamique de l'action de la vibration, ce n'est pas une dynamique d'obligation. C'est une dynamique de spontanéité et puis de je pourrais pas vous dire pourquoi ça se passe, alors que dans le sentiment, tu peux t'organiser. Tu sais, il y a comme une organisation dans l'âme. L'âme, ça s'organise, ça place ses affaires, sa structure. Moi, j'étais un bordel d'enfer dans mon bureau, là. Puis à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je sais où ce qu'il est. Fait qu'il faut croire qu'il y a un ordre dans le désordre. Il y a un ordre dans le chaos. Là, je vais dire, pourquoi vous ne me faites pas faire un gros ménage? Il dit, tu t'habitues au chaos? Il dit, c'est ça qui s'en vient. C'est la planète, il s'en vient, un chaos. Fait qu'il dit, si t'es sécure dans le chaos, tandis que les gens qui sont dans l'ordre, s'ils sont dans le chaos, ils ne se retrouvent plus. Toi, si tu te retrouves dans le chaos, tu vas avoir un avantage avec des gens qui ont de l'ordre. Parce qu'avec des gens qui ont de l'ordre, c'est prévisible. C'est organisé. C'est référé à de la mémoire. C'est des bases de données. Tandis que nous autres, la base de données, tu es à une place, c'est le chaos, on te dit va là, tu y vas, puis tu trouves que ce que tu as besoin pour faire quelque chose. Puis tu sais même pas quand tu trouves l'affaire à quoi ça va servir. Hein? Fait que la personne qui va dire, hey, t'es dans le chaos, on dit, oui, mais tant que je me retrouve, tant que je suis cohérent, pas de trouble. Les forces, ce qu'ils veulent de vous autres, c'est pas des petites vies propettes, c'est des gens cohérents. Avez-vous déjà remarqué qu'une personne qui est propette peut ne pas être cohérent? C'est très facile d'être incohérent quand tu es propette. Propette, ça veut dire toujours à l'ordre. Parce que le moindrement qu'on dérange ton ordre, tu perds la carte. Tu es désorganisé. Tu n'es plus capable de te retrouver parce que tu n'es pas spontané. Tu es toujours dans une mesure de quelque chose. Les forces, eux autres, ça n'a pas d'importance la forme. Ce qui est important, c'est d'être capable de suivre la vibration. Me faire manger des artichauts, me faire manger ici, c'est pas dans mes goûts. J'aime pas ça, les artichauts. Mais s'ils me diraient, là, faut t'acheter des artichauts, j'achèterais des artichauts puis je les mangerais. Probablement que cette fois-là, je trouverais ça bon. Mais honnêtement, là, tu me dirais, tu vas manger des artichauts à soir, et oh, fuck all, m'intéresse pas. Vous me suivez? Donc, évoluer, c'est pour de l'âme prendre des risques tout le temps. Puis une vie d'âme, c'est une vie qui cherche le minimum de risques. Vous voyez que c'est deux mondes. Bernard disait tout le temps, le monde de l'esprit et le monde de l'âme, c'est deux grandes oppositions. Un fait le contraire de l'autre. Fait qu'il dit, t'involues ou t'évolues. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Ou t'évolues ou t'involues. Quand tu n'évolues pas, t'involues. C'est chiant, là, parce que si je perds tout le terrain de l'évolution. Mais apparemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu as arrêté d'involuer, tu peux juste évoluer. Tu ne peux plus rentrer dans l'involution. Fait qu'il faut croire que tu as une dose d'involution à te taper avant de commencer à évoluer. Puis quand ça évolue, c'est plus rapide que quand tu involues. Quand tu involues, c'est très lent, parce qu'ils te font répéter. Il y a beaucoup de pratiques. Tu sais, je vous l'ai dit, là, la carabine, tu l'as naturelle ou tu ne l'as pas? Si tu ne l'as pas naturelle, tu le sais dans les premières 15 minutes. Si dans les premières 15 minutes, c'est naturel, tes balles rentrent en bonne place. Mais si ce n'est pas naturel, il faut faire du pratique. Fait que c'est très lent l'involution. Dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions sur des choses qui n'aboutissent pas. Tandis que dans l'évolution, c'est one shot, one kill. C'est ça. Spontané. L'intimider par l'action, c'est une commande. Conséquence. Les gens ont peur des conséquences. À cause des conséquences. Ben oui, ils sont intimidés par la conséquence. Ils ont un raisonnement. Quand tu as un raisonnement, tu es toujours intimidé par l'acte que tu poses. Okay. Puis le délai. Ben, ça implique un délai parce que tu vas comparer. Regarde, tu me dis, j'ai pas de budget pour m'acheter une carabine, mais j'aimerais ça d'en avoir une. OK, c'est comme si tu avais passé à la commande. Puis là, à un moment donné, je disais, hey, c'est vrai, une Simonov, c'est 200$. Les balles, ça coûte rien. C'est 20 cents la balle. Je t'en parle. Pouf, t'as acheté la carabine. Ça, c'est suivre une vibration. OK. Puis on n'a pas à s'inquiéter des conséquences quand tu suis la vibration. Bien, tu peux t'inquiéter si l'âme t'a tourné vers quelqu'un. Là. Tu sais, genre, t'es en crise après ton mari, puis t'es dans le sentiment, t'es pas dans l'innovation, puis tu tires dessus. Fait que la sécurité, c'est de rester dans la vibration. Bien, c'est ce que moi, j'ai parlé, là. Une personne qui suit une vibration, habituellement, elle va toujours faire le move exact. Comment ça se fait, des fois, on l'a pas, la vibration? Parce que vous êtes dans le raisonnement, c'est un ou l'autre. Vous êtes soit dans l'âme, soit dans l'esprit. Ça peut pas être les deux en même temps. Quand tu as un mouvement d'âme, là, les forces laissent le travail se faire. Ils savent que tu vas te taper une initiation, tu vas faire des prises de conscience. Tout est misé avec les forces sur la prise de conscience. Pour eux autres, si tu fais une prise de conscience, tu vas corriger ton tir. Mais si tu t'entêtes ou si tu passes avec l'idée de forcer un événement à se produire quand ça ne veut pas, ben, oh, tu vas te ramasser comme tous les gens qui sont en initiation. Tu vas te ramasser dans un long cheminement de plusieurs années à ne pas faire les choses comme tu dois les vivre. C'est pas comme tu dois les faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec beaucoup de pratique à bien faire les choses, mais c'est pas comme ils doivent les vivre. Ça. Ben, ils vivent d'autres choses, mettons. Quand tu vis dans l'âme, tu vis, là, mais tu vis d'autres choses. On appelle ça prendre l'expérience. Oui. C'est difficile de faire des prises de conscience, pas d'expérience. Oui. Un jeune, il commence à... Pour moi, ça commence autour de 30 ans. À 30 ans, tu commences à avoir de l'intelligence qui se manifeste plus... moins virtuel, mettons. Disons qu'avant, quand j'ai fait parler mon gars sur le contact, il avait 5 ans. Puis le jeune, sur le contact, il me dit, je peux pas plus que 10 minutes, papa. Mon corps n'est pas prêt à le prendre. Ça veut dire que tu n'es pas capable de t'exécuter dans l'action par une mise en vibration quand tu n'as pas le corps prêt. Mais si ton corps est prêt, tu sors du virtuel, puis tu t'en vas dans l'action. Puis moi, je figure que tu as besoin de 30 ans de vie. 30 ans de te plonger dans la polarité, parce que de toute façon, anyway, c'était marqué par l'esprit pour connecter avec eux autres. Là. Ça va se produire un temps quelconque. Là. OK. Question? C'est quoi la différence entre la cohérence vibratoire et la cohérence de l'âme? Bien, si on regarde la cohérence sur la base de l'âme, avec le biais de la mémoire puis du raisonnement, c'est tout ce qui est mathématiquement calculable par l'ego. Tout ce que l'ego est capable de classer. Là. Pour bien du monde, réussir dans la vie, c'est ce qu'il y a à atteindre. T'sais. J'ai ma maison, j'ai mon auto, j'ai une bonne job, j'ai une sécurité avec ma femme, puis etc. Tout ça, c'est raisonnable. Et ça fait une cohérence d'âme. Mais la cohérence de l'esprit, je te donne un exemple. Toi, si tu perds ton individualité pour le couple, là, tu peux avoir de la cohérence d'âme, mais là, tu n'as pas de cohérence d'esprit. Parce que de l'esprit, c'est pas du couple, c'est de l'individu. Tout individu qui se vit individuellement vit dans l'esprit. Okay, il n'y a pas aucun compromis. Là. T'sais, les forces vont dire, tu fais ça, là. C'est pas ma femme est d'accord. Mon frère, quand il vendait des autos, il y a des gars qui disaient, « Ouais, ben c'est intéressant, votre char. Je vais en parler à ma femme. » Là, mon frère était tanné de se faire dire ça. Il dit, « Écoute, je te donnerai le numéro de ma femme pour voir si les deux femmes s'entendent, si elle veut te le vendre, puis si elle veut l'acheter. » Puis il dit, « On fera le deal après. » Hein? T'en penses? C'est sa joke, ça. En voulant dire, il y a des gens qui remettent tout le temps au couple la définition de leurs actes. Mais ça ne marche pas comme ça dans l'esprit. L'esprit, si tu vibres, tu l'agis. L'autre va comprendre. S'il ne comprend pas, ben c'est parce qu'il vit de l'âme, il vit de l'appartenance, il vit du « faut se le parler », puis tout ça. Ben, tu sais, « faut se le parler ». J'ai fait ça. Demande aux forces pourquoi je l'ai fait, Chris. T'sais, c'est supposé se passer de même dans l'esprit. Ben, en général, c'est pas comme ça que ça se passe. « Hey, tu as sorti 1 000$ du compte, puis tu ne me l'as pas parlé. Ben, » oui, puis... Okay. C'est ça. Cohérence de l'âme, c'est tout prévisible. La cohérence de l'esprit, c'est intelligent sur un futur quelconque, ça tient compte du passé, mais tu ne sais pas si c'est cohérent. Et non, il y en a qui ont cette maladie religieuse-là, cette maladie politique-là, la maladie des causes de quelque chose, alors que l'esprit te ramène tout le temps à ta vie individuelle. Quand tu es mort, tu meurs tout seul. Tu vis au monde tout seul. C'est sûr, ta main t'accouche, mais tu es tout seul. T'es tout seul quand tu meurs aussi. Il n'y a pas 400 personnes autour de toi, là. Mais tu meurs tout seul. Elle ne meurt pas toute avec toi, ça. OK. Ça. C'est très... L'esprit, c'est très, très, très cohérent, mais ce n'est pas la cohérence que l'âme est habituée. L'âme, c'est de l'ordre qu'il fait. Il fait juste de l'ordre. Il fait de l'ordre, il fait de l'ordre, il fait de l'ordre. Mais de l'ordre, ce n'est pas de l'esprit. C'est de l'âme qui cherche une sécurité dans une forme. Je dis aux forces, je tenais de nettoyer mes carabines. Ils vont te le dire quand ça va être le temps. Okay. C'est plus une affaire de j'ai tiré 200 balles, là. On va te le dire. À un moment donné, je m'en venais, j'avais ma saco, ma 308, j'avais tiré une cinquantaine de balles avec. Puis je ne l'avais pas nettoyé. Puis je dis, moi, allez tirer avec, pareil, fuck all. Puis là, les forces m'ont dit avant de partir, nettoyez-la, elle est bien sale. Ben, Chris, je m'en vais, là. Nettoyez-la. C'est pas long de nettoyer ça, c'est 15 minutes. Fait que je prends 15 minutes, je nettoie, elle était vraiment sale. Il dit, ouais, impressionnant. Là, je suis parti, le gars est en retard, oui. Tout s'est placé, là. Mais, ça. C'est pas le même ordre. Ils ont un ordre, eux autres, qui on dirait qu'il est basé sur l'avenir, sur le futur, sur le right now. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement clair dans la tête, là, le plus clair que tu peux imaginer. Là, parce que quand tu te l'envoies, l'info, il te l'envoie une fois. Il n'y a jamais d'insistance avec les forces. Si tu ne le fais pas, fuck all, tu es dans l'âme. Puis dans l'âme, c'est automatiquement initiatique.